Pour le commun des mortels, les étoiles, ce ne sont que des petits points brillants dans le ciel nocturne, mais les astrophysiciens, eux, voient des spectres avec des raies qu'ils sont capables d'interpréter. Et cela grâce aux travaux révolutionnaires de Cecilia Payne, une astrophysicienne de la première moitié du XXe siècle dont on n'entend pas très souvent parler, et pourtant, elle, son apport est manifeste dans l'astrophysique. Alors, Jean-René Roy, qui est astrophysicien, va nous présenter Cecilia Payne et son apport à l'astrophysique. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Alors Jean-René, avant de parler de Cecilia Payne, il faut commencer par rappeler l'état des connaissances en physique au début du XXe siècle, et notamment avec bon, l'évolution, l'ébullition autour de la physique quantique. Oui, en effet, première chose, c'est peut-être pas très bien diffusé, mais les Nations Unies, via l'UNESCO, a déclaré 2025 année centenaire de la physique quantique, de la mécanique quantique. Évidemment, elle est un peu artificielle, cette date, parce que le développement de la théorie quantique s'est étendu à partir de 1900 avec une proposition du physicien allemand Max Planck, qui montrait que l'énergie est toujours sous forme discrétisée, des petits paquets qu'on appelle quantum, d'où le nom quantique. Et c'est ce développement de connaissances du monde microscopique s'étend jusqu'à aujourd'hui. Ils ont choisi 1925 parce que cette année-là, le physicien allemand Werner Heisenberg, qui est peut-être mieux connu pour son principe d'incertitude, a développé une nouvelle forme de formulation de la mécanique quantique qu'on appelle matricielle. On n'irait pas dans le détail comme tel. Donc, c'est un petit peu parce qu'autour de 1925, plusieurs événements, plusieurs avancées se font. Mais 1925 est véritablement le centenaire d'une contribution extraordinaire par Cecilia Payne, une jeune astrophysicienne britannique, devenue plus tard américaine, qui a publié en 1925, lorsqu'elle était à Harvard, l'université Harvard, une thèse qui finalement démontrait une chose totalement inattendue. À ce moment-là, Cecilia Payne, c'était sa thèse de doctorat, avait 25 ans. Donc, finalement, à partir justement de développement et d'analyse des raies spectrales, on pourra y revenir, Valérie, elle a démontré en fait que contrairement à toutes les attentes, la composition chimique des étoiles était semblable à celle de la Terre pour tout ce qui est des éléments communs qu'on connaît, de l'oxygène au fer, à l'uranium, etc. et tout, mais avec une exception importante. La composition chimique des étoiles était dominée par surtout l'hydrogène, un gaz, et aussi l'hélium en second. Et ça, Et c'était totalement inattendu. c'était inattendu, c'était Parce inattendu. Oui. On croyait que la composition chimique des étoiles était comme celle de la Terre, et basée sur des données spectroscopiques. Sauf que, pour certaines raisons, la présence de l'hydrogène et de l'hélium se manifeste difficilement dans les spectres d'étoiles parce que la signature, entre guillemets, n'apparaît que pour certaines plages de température des étoiles. Est un peu trop froid pour que les raies d'hydrogène ressortent avec force. Donc là, Jean-René, on est en train de parler de spectre, de raies, mais peut-être que ça vaudrait le coup de rappeler qu'est-ce que c'est que le spectre et qu'est-ce que c'est que ces raies qu'on voit. Puis donc là, ça remonte peut-être à avant la physique quantique, ça remonte peut-être à la fin du 19e, peut-être. Oh, ça remonte en fait à la fin du 17e. Ah, carrément. Avec Isaac Newton, qui était en fait le premier à décomposer la lumière du soleil avec un prisme, c'est-à-dire la disperser en fonction de sa couleur et de sa longueur d'onde. Et c'est l'effet, en fait, de dispersion de lumière qu'on voit très bien lors d'un arc-en-ciel, où là, au lieu d'un prisme, ce sont des petites gouttelettes d'eau qui agissent toutes ensemble pour nous étendre, entre guillemets, sur le fond ciel, la lumière du soleil en ses différentes couleurs. Et au début du 19e siècle, un physicien du nom de Fraunhofer, qui a perfectionné la technique de spectroscopie et avec des meilleurs instruments et un télescope, a montré que ce n'était pas une variation continue des couleurs allant du bleu vers le rouge, mais ce spectre est très strié de petites bandes noires qu'on appelle bandes d'absorption. Donc, il était intrigué et jusqu'à aujourd'hui, on parle de ces stries, de ces bandes d'absorption, entre guillemets, comme étant des raies de Fraunhofer. On parle de raies spectrales parce qu'elles peuvent être comme en petites bandes noires, en absorption, on sait maintenant, ou en émission, en quelque sorte. Donc, comme si vous avez vu l'éclipse du Soleil du 8 avril 2023, on voyait qu'il y avait des taches roses sur le bord du soleil. Donc, c'était des protubérances à la surface qui émettaient dans une raie spectrale de l'hydrogène très rouge ou rosé de façon qu'elle nous perçoit. Et ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que deux physiciens chimistes allemands, tout d'un coup, le nom Robert Bunsen et Gustave Kirchhoff développent les techniques et montrent justement que ces raies spectrales apparaissent dans les flammes des différents éléments qu'ils vont vaporiser et Ah faire oui. flamber. Peut-être que vous vous souvenez des fameux Beck Bunsen. Ouais. Donc, le Beck Bunsen, le nom vient de Robert Bunsen, qui était l'associé de Kirchhoff, qui a montré finalement que chaque flamme avait un peu sa signature spectrale en raie d'absorption qui pouvait être absorbée ou en raie d'émission. Donc, l'association spectrale était connue depuis le 19e, milieu du 19e, et au début, beaucoup de choses ont été mises ensemble grâce à la mécanique quantique qu'on pourrait relier la force des raies spectrales, soit en absorption ou en émission, par leur abondance. Ça, c'était fait en 1920 par un astrophysicien indien du nom de Meghnad Saha, qui a développé la théorie qu'a utilisée notre chère Cecilia Payne. D'accord. Donc là, il y a une, pour essayer de résumer, là, on est capable avec les raies spectrales, donc de la lumière, là, qu'on voit des étoiles, de déterminer la composition, donc du corps, là, qui envoie Oui. cette lumière. Et c'est donc l'astrophysicien indien qui a fait le lien. Et donc, quel a été Donc, ce l'apport de que. Cecilia Payne, là, après ça? Oui, exactement. Donc, ça, c'est la clé, comme telle, du travail de Cecilia. Donc, comme vous l'avez résumé, Valérie, on savait qu'on pouvait trouver la signature de la présence des éléments dans les différentes sources sur Terre. Vous analysez, par exemple, les flammes d'un feu de forêt, nos amis Kirchhoff et Bunsen, à distance. Et on a appliqué ça assez rapidement. Donc, on a dit, oui, on voit justement dans le Soleil les mêmes éléments qu'on retrouve sur Terre dans les flammes de laboratoire et tout. La chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est de dire combien il y en avait. Ah, d'accord. Quelles étaient les proportions? Donc, c'est important à savoir les proportions qu'il y a dans une substance. On le sait, dans la vie courante, nous, on veut bien savoir combien il y a d'alcool dans la bouteille de vin qu'on achète. Donc, de savoir qu'il y a de l'alcool, c'est une chose, mais savoir combien il y en a, c'est une chose importante aussi. Donc, même chose quand on regarde les étoiles. Donc, jusque-là, on voyait la signature des différents éléments suivant les approches de Kirchhoff et Bunsen, mais on ne pouvait pas dire combien il y en avait. Et c'est Meghnad Saha qui a dit qu'une relation étroite entre une raie qui va apparaître dans le spectre et la température à laquelle le gaz est porté. Et aussi, il y a un effet de pression, mais c'est surtout la température. Et dans le cas de l'hydrogène, de l'hélium, On sait maintenant qu'il fallait des températures de l'ordre de 10 000 à 20 000 degrés Kelvin, à peu près la même chose en Celsius, à la surface des étoiles pour voir la signature forte de l'hydrogène. Mais à des températures de la surface du Soleil, qu'on connaissait d'ailleurs 5 700 degrés Kelvin ou Celsius, on sait maintenant que les raies d'hydrogène sont relativement faibles. Elles ne sont pas en proportion, en intensité, proportionnelle à la quantité d'hydrogène. Donc, c'est en utilisant une technique, elle a utilisé ça pour déterminer finalement des abondances chimiques de centaines d'étoiles. Elle Ah, c'est avait des ça. spectres de centaines d'étoiles Elle a et elle a combiné les montré. données sur des centaines d'étoiles et là, elle a dit bah, l'hydrogène est l'élément dominant. C'est ça. Et ça, elle a utilisé de façon très remarquable une relation de sensibilité. À quel moment, quelle température de l'étoile qu'elle pouvait déterminer par une technique différente, toujours spectroscopique, les raies pouvaient apparaître et disparaître indépendamment de leur présence d'éléments dans les étoiles. Et elle a ainsi montré que le Soleil, par exemple, beaucoup d'étoiles, quelle que soit leur température, en gros, elle a pu déduire par la mécanique quantique les relations que Meghnad Saha avait déterminées, que le Soleil et les étoiles, en général, avaient 92% de leurs atomes en hydrogène, 6% environ en hélium et 1 à 2% pour tout le reste. Et c'est la composition chimique de l'univers en moyenne. Donc, la Terre, on a un peu les mêmes compositions, sauf qu'on manque des deux principaux parce C'est ça. qu'ils sont échappés de la Terre, gravité trop faible et processus de formation assez violent au début de la formation du système solaire. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer, Valérie, personne n'a cru son résultat. Ça venait à l'encontre Ah, mais pourtant, de les tout. preuves étaient là, Mais, les calculs étaient là, les observations étaient là. oui, mais mentalement, les gens n'étaient pas prêts. C'est même des grandes autorités, mais assez rapidement, d'autres astrophysiciens, entre autres en Suède et en Europe, ont réussi à montrer, on dit que toute l'analyse de Cecilia était correcte, impeccable, et en fait, eux, reprenant des observations qu'ils avaient, les calculs basés sur la mécanique quantique et l'adaptation, entre guillemets, de Meghnad Saha aux plages de température des étoiles et du Soleil, que le résultat de Cecilia était absolument impeccable et fiable. Donc, rapidement, une grande autorité des États-Unis, l'astrophysicien Henry Norris Russell de l'Université de Princeton, a dû avouer et dit oui, Cecilia a raison. Donc, depuis ce temps-là, tout a basculé et maintenant, ce résultat qui changeait, transformait notre vision de la chimie de l'univers, la chimie des astres complètement, a basculé parce qu'il y a une conséquence absolument phénoménale qui a été tout de suite appliquée par certains astrophysiciens du fait que l'hydrogène est omniprésent dans les étoiles. Et maintenant, donc, on utilise un petit peu la spectroscopie pour regarder pas seulement les étoiles, j'imagine, on regarde la composition, je sais pas, des gaz interstellaires, des nébuleuses, des planètes, des exoplanètes. On utilise Partout, partout, ça. et même en laboratoire, les techniques se sont raffinées, on le fait pour les molécules, etc. et tout. Donc, on est Donc, capable. Oui. on peut, en effet, la technique spectroscopique est essentielle, c'est un peu comme l'analyse ADN en biologie. Donc, c'est un outil de base pour reconnaître ce qui est dans les différentes composantes de l'univers et en quelle quantité. C'est C'est ça. aussi, ça c'est très Et important. à partir des spectres aussi, donc on est capable de déterminer la composition, bon, la température, mais est-ce qu'on est capable aussi d'en déduire d'autres données, je sais pas, l'éloignement, la vitesse, d'autres données sur les Oui. corps? Oui, absolument. D'ailleurs, l'analyse de l'utilisation des raies spectrales était utilisée bien avant cette découverte fondamentale de Cecilia, comme finalement le déplacement spectral. S'il y a une vitesse par rapport à nous, Ah il y oui. a éloignement ou rapprochement, la longueur d'onde va légèrement changer. Mais la conséquence la plus immédiate et la plus fondamentale du résultat de Cecilia Payne, c'est que ça amenait une façon d'aborder un problème qui chicotait les physiciens, les astrophysiciens depuis un siècle avant, depuis le début du 19e siècle. La source d'énergie dans les étoiles. Qu'est-ce qui fait Ah oui. fonctionner l'étoile comme le Soleil? On a utilisé tout, même la combustion du charbon, l'effondrement gravitationnel. On arrivait tout le temps à des chiffres de quelques dizaines de millions d'années au maximum. Et on savait à cette époque-là, par la géologie, la biologie, que la Terre était âgée de 2 milliards d'années. On sait que maintenant, c'est au moins deux fois plus. Donc, ce que permettait le résultat, c'est de dire, vu qu'on a de l'hydrogène, tout de suite, on connaissait suffisamment de réactions nucléaires. Donc, on a dit, donc, voici le mécanisme, c'est les réactions de fusion nucléaire au centre, entre autres la fusion de l'hydrogène, qui, avec quatre atomes d'hydrogène, quatre noyaux d'hydrogène, ont fait un noyau d'hélium, et c'est une source colossale d'énergie thermonucléaire. Non seulement on fait de l'énergie, mais on l'a fait pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène. C'est une réaction relativement lente qui se déroule à l'intérieur des étoiles à des températures de millions de degrés produites par la compression centrale et qui permet à une étoile de produire ce niveau d'énergie pendant des milliards d'années. Donc, et cette conséquence de fusion thermonucléaire n'arrive qu'en quelques années après, finalement, le résultat de Cecilia Payne. Mais là, ça nous dit pas comment a été formé ce premier hydrogène, par exemple, parce que là, il faut, vu que les écoles et les étoiles continuent de brûler, elles brûlent leur hydrogène, mais elles continuent de brûler un certain temps, donc ça nous permet de déduire peut-être l'âge des étoiles, mais il y avait un stock d'hydrogène initial, d'où vient-il? Donc, le stock initial d'hydrogène étant très peu entamé, entre guillemets. Donc, Ah oui? parce que, donc, je vous l'ai dit, il y a juste, on demeure avec un nombre d'atomes d'hydrogène, là, comme je l'ai dit, à peu près au-dessus de 90 % partout dans l'univers. Donc, on a de l'hydrogène, il y en a beaucoup d'hydrogène. Donc, l'hydrogène est en fait le résultat simplement des processus qui sont déroulés au tout début de l'univers, quand il était très chaud, qui a fait en sorte que certains éléments fondamentaux, les quarks, se sont mis ensemble pour faire des protons. Et une autre particule fondamentale, l'électron, s'y est associé quand la température est suffisamment basse. Donc l'hydrogène qui est dans votre H2O, là, il vient du tout début de l'univers. Donc, il a 13 milliards, 800 millions d'années. Et l'oxygène, lui, il a été formé plus tard dans des étoiles massives par des processus que je viens de décrire, succession après l'hélium, fusion avec le carbone, etc. et tout. Donc, lui, il a peut-être l'âge des supernovées qui ont donné naissance aux éléments qui ont été à la base de la matière du système solaire. Donc, on évalue à peu près à 8 milliards d'années. Très bien. Donc, Revenons aussi à Cecilia Payne parce que c'est quand même oui. assez remarquable. Elle a fait une découverte remarquable, mais c'était aussi une femme dans un milieu d'hommes. Est-ce que ça a Oui. pu jouer aussi sur la le doute avec lequel a été accueillie cette découverte par ses confrères astrophysiciens? Non, Non? je ne pense pas. Je pense que son âge, même aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait avec un résultat de thèse de doctorat aussi iconoclaste, spectaculaire que ça, il y aurait des doutes, quel que soit le sexe. Et tout, c'est comme le tout jeune, la toute jeunotte qui arrive et qui vous révolutionne complètement ce que vous voyez. Donc, comme tel. Sauf que ce que vous mentionnez, vu que d'abord à l'époque où elle était à Harvard, elle était au Harvard College Observatory. C'était un observatoire associé à l'Université de Harvard, mais Harvard ne donnait pas de thèse de doctorat, ne donnait pas de titre, ce qui est un peu normal, ça arrive aussi dans des institutions aujourd'hui. Donc, elle a défendu sa thèse à Radcliffe College, qui est un collège pour femmes associé à l'Université d'Harvard. Mais Cecilia a fait carrière au début, elle ne réussissait pas à avoir un titre de professeur parce que On n'acceptait pas des femmes professeurs à l'université Harvard. Ah oui. Donc, d'autres universités américaines et ici aussi avaient des femmes comme professeurs, mais Harvard, ça a pris, je ne me souviens plus, là, elle est devenue professeure, je pense, autour de 1956. Ah oui, c'est quand même pris du temps, quand même 20, 25, 30 ans quand même. Disons que c'est suite finalement au départ d'un recteur et ensuite du directeur de Harvard College Observatory, celui qui l'avait fait venir avec elle au début des années 1900, autour de 1920. Mais elle devient professeure et première professeure engagée à Harvard, première femme professeure, et aussi elle va être la première femme directrice d'un département à Harvard, directrice du département d'astronomie vers 1958. Donc, une pionnière, Ouais. au moins pour Harvard, sur le niveau des positions universitaires, mais en astrophysique, son travail a toujours été très bien reconnu. Après, OK. elle est devenue littéralement une autorité. Elle a travaillé beaucoup avec son mari, Sergueï Gaposchkine, un Russe qu'elle avait rencontré à une conférence en Allemagne à la fin des années 20, début des années 30. Son mari, ils ont eu 3 enfants. Et lui était astrophysicien spécialisé dans un type d'étoile, des novae. Les deux ont publié beaucoup ensemble, des articles, beaucoup des livres ensemble, et aussi des livres destinés à l'enseignement de l'astronomie. Donc, c'est quand même une figure importante de l'astrophysique qui Un pilier, peu connue, j'appelle c'est ça ça? Un le pilier. pilier de l'astrophysique quantique. Ouais, exactement. Alors, bah, merci beaucoup, Jean-René, de nous avoir fait découvrir ce pilier de l'astrophysique quantique. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et que vous avez d'ailleurs écrit dans certains livres, vous avez énuméré certains des figures féminines de l'astrophysique et on retrouve Cécilia Penn d'ailleurs dans un de vos livres, il me semble. Oui, dans Astronomie des Dames. Voilà, dans Astronomie des Dames. Donc, pour en découvrir plus sur les femmes qui ont fait l'astrophysique, on peut lire Astronomie des Dames et on retrouvera Cécilia Penn, entre autres. Merci beaucoup, Jean-René. Ce fut un grand plaisir.